Deuxième tâche. L'auteur Catherine Cusset présente l'histoire d'Elena, personnage de son dernier livre, basé sur des faits réels. Complétez la grille en rétablissant l'ordre chronologique de la vie d'Elena. Le zéro est un exemple. Attention, dans l'audio, les faits sont présentés dans un ordre différent. Il est donc conseillé d'écouter une première fois en entier avant de compléter la grille. Première écoute. Bonjour Catherine Cusset. Bonjour. Alors ne rougissez pas si je vous dis qu'avec Un brillant avenir, votre neuvième roman, c'est ça? Oui. Bien compté. Vous signez l'une des œuvres majeures de la rentrée littéraire. Pourquoi? Parce que Un brillant avenir, publié chez Gallimard, est un livre ambitieux. Vous y abordez les thèmes de l'exil, du conflit des générations, du choc des cultures, de la construction de soi, de la recherche du bonheur, des relations complexes mère-belle-fille. Oula, tout ça dans un même livre, allez-vous me dire, au secours? Eh bien, non, car vous en faites, grâce à la magie de votre plume, un roman limpide, vibrant et incarné, notamment avec un magnifique personnage féminin, Elena, devenue Hélène. Alors présentez-la à celles et ceux qui nous écoutent, Catherine Cusset, cette Hélène. Alors Elena, elle est roumaine, elle est née dans les années 30 en Roumanie, elle a grandi en Roumanie communiste, elle a ensuite vécu dans la Roumanie de Ceausescu avec un rêve, quitter cette Roumanie communiste, ce n'était pas possible évidemment. Donc il a fallu trouver le moyen d'en partir et émigrer aux États-Unis. Et donc elle a réussi à émigrer avec son mari juif et son fils unique aux États-Unis après un passage par Israël. Il y a un autre personnage évidemment très important dans ce livre, parmi d'autres, on y reviendra plus tard, mais c'est Jacob, l'homme qu'Elena épouse en Roumanie. Il est juif et elle va aller à l'encontre de l'antisémitisme de la Roumanie de Ceausescu. Alors, c'est peut-être la première fois qu'Elena s'oppose à ses parents. C'est une petite fille adoptée, mais très docile, qui fait finalement tout ce que ses parents veulent. Et elle tombe amoureuse de Jacob. Il est juif. Ses parents, comme ils le disent eux-mêmes, ne sont pas antisémites. Mais être juif dans une Roumanie antisémite, c'est être sûr de se heurter à des grands problèmes, risquer de perdre son travail. Et il s'oppose à ce mariage. Et Elena, en fait, a une relation secrète avec lui et finit par l'épouser. Et c'est vraiment son premier grand acte de résistance à la Roumanie communiste et à ses parents. Et c'est peut-être là que s'amorce son départ, sa fuite de Roumanie. Et donc, elle choisit, en passant par l'Italie, je crois, elle choisit évidemment l'exil vers Israël. Et alors là, on peut penser qu'ayant épousé un juif, c'est la terre promise, celle de son brillant avenir. Mais très très vite, ça va se révéler beaucoup plus compliqué que prévu. Alors déjà, elle ne le choisit pas. Hein. C'est impossible de quitter la Roumanie. Enfin, peut-être on peut le faire, à pied, par des sentiers, par des trains. Mais là, elle ne peut pas. La seule possibilité qui s'offre à eux, et c'est la famille de Jacob qui le découvre, c'est qu'il y a Ceausescu a en fait donné le droit aux ressortissants d'Israël d'acheter les passeports des Roumains, les visas de sortie des Roumains. Donc finalement, il vend ses juifs, Ceausescu, et donc sa seule possibilité, c'est d'émigrer en Israël. Or, Elena n'est pas juive. Quand elle émigre en Israël, elle va d'abord rencontrer le bonheur, une bulle de bonheur, ce nouveau pays où elle est libre, et puis elle découvre qu'Israël est un pays en guerre. et que son fils unique partira nécessairement à la guerre et qu'il y a beaucoup de familles avec des fils qui sont morts. Et elle a terriblement peur. Il n'est pas possible que c'est cette brillante avenir dont elle rêve pour Alexandre, son fils, Alexandre, soit, le fils de, soit de mourir à la guerre pour un pays avec lequel elle ne s'identifie pas, évidemment. Donc le rêve ensuite, c'est de partir aux États-Unis et à nouveau se battre et émigrer aux États-Unis. Et là, patatras, ce fils, Alexandre, va rencontrer Marie, une jeune Française. Il en tombe amoureux. Et d'un seul coup, Hélène ou Elena devient hostile à cette jeune femme, à cette future belle-fille et à l'idée de ce mariage. Et on est évidemment très surpris parce qu'elle reproduit finalement ce qu'elle-même a subi en Roumanie quand elle était tombée amoureuse de Jacob. Pourquoi ? Alors d'abord, je pense qu'on répète l'histoire. La violence qu'on a subie soi-même, il est vraiment très fréquent qu'on la reproduise, donc il y a déjà ça. Et puis ensuite, évidemment, pourquoi cette terreur ? Pourquoi Hélène, donc Elena devenue Hélène, a-t-elle cette terreur de Marie française, a priori, peut-être pas, je sais pas, peut-être pas très agréable pour elle, mais en tout cas plutôt inoffensive ? Il faut comprendre, je crois, là, ce que veut dire la France pour Elena, qui, d'une certaine manière, a un complexe d'infériorité par rapport à la France, et aussi la peur que son fils, Alexandrou, parte, soit emmené en France par Marie, et redevienne un étranger. Donc tout son rêve américain se briserait à ce moment-là, si son fils redevient à nouveau un étranger. Je crois que vraiment, il y a vraiment très peu de communication possible entre ce vieux monde fermé de l'Ouest, qui a vécu derrière le mur, et l'Ouest libre et presque inconscient d'être libre. Hein. Quand on est libre, on ne le sait pas. Donc, Marie, elle ne comprend pas du tout l'hostilité de cette belle-mère roumaine. Et le trajet du roman, c'est peut-être pour moi de parvenir à l'expliquer, à la faire comprendre. Je crois que c'est effectivement deux femmes de volonté, hein, d'abord. Et deux femmes qui cherchent à contrôler, enfin qui sont vraiment dans le contrôle aussi. Et en effet, d'abord après la mort de Jacob, je crois que c'est surtout la mort le suicide. On parle peu finalement le livre qui s'appelle Un brillant avenir commence par le suicide de Jacob. Et c'est vraiment pour moi, c'est qu'est devenu ce rêve américain. Et ce rêve américain, il se heurte à un suicide, il aboutit à un suicide. Et c'est vraiment triste. Et je crois vraiment que c'est après le suicide de Jacob que le rapport change entre les deux femmes et que peut-être Marie commence aussi à... C'est le premier moment où Hélène, pour elle, n'est plus cette belle-mère hostile et acariâtre, mais une femme qui a perdu l'homme qu'elle aimait. Et c'est peut-être le moment où un rapprochement est possible entre les deux. Deuxième écoute. Bonjour Catherine Cusset. Bonjour. Alors ne rougissez pas si je vous dis qu'avec Un brillant avenir, votre neuvième roman, c'est ça ? Oui. Bien compté, vous signez l'une des œuvres majeures de la rentrée littéraire. Pourquoi ? Parce qu'Un brillant avenir, publié chez Gallimard, est un livre ambitieux. Vous y abordez les thèmes de l'exil, du conflit des générations, du choc des cultures, de la construction de soi, de la recherche du bonheur, des relations complexes mère-belle-fille. Oula, tout ça dans un même livre, allez-vous me dire, au secours ? Eh bien, non, car vous en faites, grâce à la magie de votre plume, un roman limpide, vibrant et incarné, notamment avec un magnifique personnage féminin, Elena, devenue Hélène. Alors présentez-la à celles et ceux qui nous écoutent, Catherine Cusset, cette Hélène. Alors Elena, elle est roumaine. Elle est née dans les années 30 en Roumanie, elle a grandi en Roumanie communiste, elle a ensuite vécu dans la Roumanie de Ceausescu avec un rêve, quitter cette Roumanie communiste. Ce n'était pas possible, évidemment. Donc il a fallu trouver le moyen d'en partir et émigrer aux États-Unis. Et donc elle a réussi à émigrer avec son mari juif et son fils unique

fin de la deuxième tâche.